Vous écoutez l'émission de l'auteur et philosophe Alexandre Timon, Les Révolutionnaires de Salon, sur Radio Impact. Bienvenue dans l'antre du Salon des Révolutionnaires. Maintenant, on va aborder le sujet d'une des plus grandes civilisations qui ait jamais existé sur la planète, les Romains. Les Romains, on date l'apparition de leur civilisation de moins 753 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 476. C'est une des civilisations qui a utilisé le plus de techniques par rapport à la civilisation de la Grèce antique, qui utilisait beaucoup moins de techniques abouties, mais eux autres, ils étaient plus au niveau théorique. C'est l'historien Vitruve qui, en l'an moins 20 avant Jésus-Christ, a le mieux expliqué les machines et inventions qu'ont construit les Romains au cours de l'édification de leur civilisation. À l'apogée de l'Empire romain, la superficie de leur territoire couvrait environ 10 000 km entre la Grande-Bretagne et puis l'Afghanistan, et puis on va voir l'Inde. C'était une civilisation qui faisait de grandes conquêtes, de grands mouvements migratoires, afin d'imposer sa domination partout où elle posait le pied. Comme le disait si bien Jules César, « Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ». Maintenant, on va regarder en détail la civilisation romaine. Les Romains utilisaient donc l'énergie hydraulique pour leurs machines, l'électricité même avec la pile de Bagdad, l'énergie solaire et l'énergie thermique. Par exemple, les Romains utilisaient des systèmes automatisés pour moudre le grain afin d'alimenter une ville au complet. Il y avait des structures en pierre dans une côte avec des bâtiments. Puis de chaque côté des bâtiments, il y avait des ruisseaux qui coulaient avec un angle assez à pic afin que l'eau descende assez rapidement. Ensuite, il y avait des grosses roues à aubes à l'intérieur de ces ruisseaux-là. Ces ruisseaux-là faisaient tourner des roues à l'intérieur qui faisaient tourner une autre roue verticale qui faisait finalement tourner une roue horizontale pour la meule. Donc la meule, elle, ensuite, elle tournait de façon horizontale pour moudre le grain de manière automatique sans que personne ou des bœufs aient besoin de tourner autour la meule et puis perdre de l'énergie finalement. Il utilisait aussi des scies à plusieurs lames qui étaient également alimentées par des roues. Les roues aussi fonctionnant avec des ruisseaux finalement autour. Et puis ces roues-là faisaient bouger des scies de gauche à droite avec un système où est-ce que là finalement en temps normal c'était des bœufs qui tiraient un peu comme selon ce que faisaient les Égyptiens. Sauf qu'eux autres, les Romains, ben dans un but de pas trop forcer, ils automatisaient souvent tout leur système. Et puis, la façon que c'était configuré, en fait, c'était... Au bout de ça, bon, il y avait le mouvement mécanique là, fait par les roues et l'eau, là. Mais au bout, sinon, c'était un gros bloc de pierre qui, en dessous, avait une lame de fer. Et puis, le bloc de pierre, lui, il était attaché avec des cordes de chaque côté. Fait que c'est ces cordes-là qui, anciennement, étaient tirées par des bœufs ou des hommes. Mais là, c'était tiré par le mouvement mécanique. OK, de hydraulique, là, de la roue. Et puis, ce bloc-là, quand il était tassé de gauche à droite, bien là, lui, il faisait une pression, vu qu'il était lourd, sur la scie qui était en dessous. Puis la scie, elle, était placée, évidemment, au-dessus des blocs à couper. Puis, comme j'expliquais aussi pour le même système que les Égyptiens, bien, ils mettaient du sable en bas où est-ce que la scie a coupé, afin de faire un abrasif, puis permettre, avec la silice à l'intérieur, de couper tranquillement là, la roche. C'est ça. Et puis tout ça, ce système-là, le bloc avec la scie en dessous, ça glissait, mais dans un rack en bois qui était fait de façon horizontale, là, comme deux lames, là. Puis ça, ce système-là parallèle, lui, le bloc ne pouvait que bouger à l'intérieur de ce rack en bois-là. Eux autres aussi, les Romains, quand ils voulaient construire des colonnes, comme on voit dans plusieurs de leurs temples, ben en fait, ils pouvaient, avec la scie que je viens de décrire, couper des pierres sur le côté qui étaient directement dans la carrière. Donc, ça leur permettait de faire des beaux morceaux droits, là, des espèces d'obélisques. Ou sinon, tout ce qu'ils faisaient simplement, ils coupaient des rondelles de pierre assez larges, mettons de 1 mètre de diamètre, là. Puis là, les rondelles, ils les empilaient une par-dessus l'autre pour faire des grandes colonnes. Puis là, au début, ben la colonne, les côtés, tout ça, c'était grossier. Mais finalement, il coupait, tu sais, il faisait le travail de finition par la suite directement où est-ce que les morceaux étaient incongrus. Là. Ce qui faisait à la fin qu'on voyait une belle colonne droite qui paraissait parfaitement polie, mais en fait, elle avait été commencée de façon brute. Il utilisait également des systèmes de grues avec le principe de transmission pour finalement faire un système de poulies. Là. Les grues, eux autres, c'était la façon de les crinquer, c'était avec des immenses roues, comme une cage à hamster, là. La roue d'un hamster, où est-ce que là, la personne, elle marchait là-dedans. Puis ça, finalement, ça tirait une corde, un système de cordes qui, eux autres, avec des poulies, diminuait la force nécessaire que ça prenait. Puis plus qu'on multipliait le nombre de poulies puis de cordages, moins que c'était difficile de forcer. Sauf que ça prenait plus de tours de roue. Donc, avec ça, il était capable d'importer de la pierre, des colonnes, un peu du même type que j'expliquais les colonnes égyptiennes. Et puis, ils ont trouvé un immense obélisque que les Romains avaient transporté qui pesait 1200 tonnes. Avec le système de grue, ben, il n'y a pas grande civilisation qui utilisait ça à cette époque-là. Afin de faire leur temple, leur construction ou toute autre manipulation importante d'envergure. Les Romains, eux autres, faisaient des recherches scientifiques. Si on veut, à chaque fois qu'ils résolvaient un problème, qu'ils créaient une machine, peu importe, ils écrivaient ça, OK, pour finalement le noter. Puis que quand les troupes étaient pour arriver à un autre endroit, que tout soit déjà répertorié. Quand ils voulaient aussi creuser des mines pour aller chercher de l'argent, des métaux, de l'or, du bronze, etc., ben là, dans les mines, il y avait le même problème qu'aujourd'hui, dans le sens que l'eau se remplissait dans les canalisations. Ainsi, pour finalement enlever l'eau, ben il y avait des pompes. Puis ça permettait de transporter l'eau vers l'extérieur. Et puis ça, c'était des systèmes pour remonter l'eau qui étaient encore là, faits avec les roues à aube. Donc, à l'intérieur des mines, une fois qu'ils creusaient un trou, ils faisaient des cavernes. Puis là, ils installaient une grande roue où est-ce qu'ils apportaient le bois. Ils construisaient la roue à l'intérieur de cet espace-là, dans la terre, où est-ce qu'il y avait de l'eau à enlever. Puis la personne roulait, marchait encore dans cette roue-là, la petite cage ronde à hamster. Ce qui faisait qu'avec des pompes, mais il était capable de sortir l'eau tranquillement de la mine. Puis en Italie, on a retrouvé des endroits comme à la mine de Rio Tinto, où est-ce qu'il y avait plusieurs roues qui étaient stockées là-bas, jusqu'à 29 mètres de profondeur. Puis ces roues-là, ben, ils étaient encore préservés dans la terre, finalement. Là, c'était des vestiges archéologiques. Puis c'est ça, dans le fond, avec avec les différents systèmes de vis d'Archimède, ça lui permettait d'enlever 72 litres par minute. Puis chaque personne qui travaillait dans des roues tournait comme ça pendant 8 heures de temps, afin de finalement de faire des chiffres complets sans que ça soit de l'esclavage, là, on s'entend, là. Et puis cette personne-là s'éclairait avec des petites bougies. Une fois que, dans le fond, l'eau était sortie, ben là, on pouvait creuser plus loin, ainsi de suite. Mais il fallait que les roues tournent en permanence, parce que sinon, l'eau, c'est sûr qu'elle serait accumulée dans les canalisations, dans les cavernes de la mine. Puis avec des grandes quantités d'argent, d'or, etc., ben l'Empire romain pouvait accumuler de grandes richesses, puis ensuite taper des pièces, puis finalement échanger ça avec les différents peuples partout où est-ce qu'ils faisaient du marché. Car la plupart des autres peuples, eux autres, n'avaient pas des mines aussi efficaces que celles des Romains. Donc, pouvaient extirper moins d'argent. Avec ce système-là, l'eau pouvait être apportée aussi très loin par la suite, ce qui permettait qu'elle ne revienne pas dans la mine, par gravitation et diffusion de l'eau. Au niveau des systèmes aquifères, les Romains avaient également des aqueducs qui se profilaient sur plusieurs kilomètres, afin d'apporter de l'eau à la ville, aux différentes villes, dans le fond, qui colonisaient, surtout Rome, là. Puis, entre-temps, ben là, évidemment, il y avait là-dessus, sur ce chemin-là, des fois, des roues, des systèmes, comme je parlais précédemment, afin de produire, avec de l'énergie hydraulique, certains mouvements particuliers pour la fabrication des objets qu'ils voulaient. Et puis, ou alimenter des fontaines, des jardins, les aqueducs publics, là, ce qu'on va voir en détail. Donc, eux autres, ce que ça prenait, les Romains avaient compris que ça prenait une circulation d'eau constante qui était apportée à la ville. S'il n'y avait pas d'eau, bien, toutes les activités de la ville étaient stoppées. L'eau stagnante ne permettait pas d'abreuvoir la population, d'effectuer les différentes tâches. Donc, dans les civilisations de cette époque-là, soit qu'ils s'installaient proche de sources d'eau, mais habituellement, il y avait de la misère à apporter l'eau là, directement à chaque maison ou dans les maisons de riches, là, si on veut. Là. Puis le problème, des fois, c'est que eux autres à partir de l'aqueduc. Ça, c'est un chemin. C'était des grandes colonnes qui installaient avec des arches pour que l'eau puisse couler à travers ça. Une espèce de tuyau, mais à air ouverte. Mais parfois, c'était refermé là, par-dessus là, pour éviter qu'il y ait de la contamination de l'eau. Puis quand l'eau passait là-dessus, il y avait juste un petit degré de dénivellation, ce qui permettait d'apporter l'eau d'une certaine région puis la faire descendre jusqu'à la ville, plusieurs kilomètres plus loin. Sauf que ça arrivait à l'occasion qu'il y avait des creux, il y avait des vallées où qu'il fallait faire remonter l'eau plus haut que le niveau précédemment rencontré sur le trajet de l'aqueduc. Alors les Romains, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient capables de faire des siphons géants que finalement, quand l'eau descendait, ben, ils faisaient un tuyau plus fin, ce qui permettait que de l'autre côté, l'eau soit aspirée vers le sommet de la colline. C'est un genre de système hydraulique. Et puis, ce système-là, avec des théories contemporaines, leur permettait de faire continuer l'eau plus loin dans l'aqueduc. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Ils n'auraient pas pu franchir des obstacles comme ça. Puis, ils allaient des fois jusqu'à 3 siphons dans une même vallée, là, afin d'être certain que l'eau puisse traverser de l'autre côté. Puis aujourd'hui, ben, vous faites le même principe avec un tuyau. Faites couler de l'eau d'un côté du tuyau. Et puis avec la pression, quand l'eau tombe, et puis le vacuum d'air que ça fait de l'autre côté en avant de l'eau, ben ça, c'est suffisant pour tirer l'eau vers le sommet de l'eau de tuyau. Donc ça, les Romains avaient compris ça v'là 2000 ans, ce qui était quand même surprenant, parce qu'il n'y avait pas d'autres civilisations qui utilisaient cette technique-là. Une fois que l'eau était rendue jusqu'aux canalisations de la ville, puis en passant, ben quand les barbares ont voulu faire un siège et assoiffer Rome, eh bien, ils ont détruit les canalisations, les aqueducs, ce qui a fait que les Romains, après un certain temps, ils ont manqué d'eau. Puis ça les a porté un coup grave. Ainsi, les canalisations, eux autres, quand ils se rendaient jusqu'à la ville, ben ça l'alimentait, comme j'expliquais tantôt, les fontaines, les égouts à ciel ouvert, les maisons, les hôpitaux. Il y avait même, à cette époque-là, des brasseries. Il y avait des bains publics. Il y avait aussi des lieux de divertissement public, comme le Colisée de Rome, où est-ce qu'encore là, ça prenait de l'eau. Donc, ainsi de suite, les Romains utilisaient l'eau là, de toutes sortes de façons pour leur ville. Il y avait des tuyaux de plomb ou en argile ou en bois. Sauf que là, après un certain temps, ils se sont aperçus que le plomb, ça créait la maladie du saturnisme, qui était une intoxication graduelle au plomb. Donc, avec le temps, ben, ils ont essayé d'enlever ça tranquillement, pas vite, mais ils ont retrouvé dans des sites archéologiques des tuyaux encore de bois que les Romains avaient installés pour des camps, là, pour alimenter les camps en eau, parce que les camps aussi, lorsque les légions se déplaçaient, ben, il y avait besoin de sources d'eau là, pour abreuver les soldats, puis également leur permettre de se laver, parce que c'est important d'être propre au combat. C'est important d'avoir de l'eau aussi pour l'hôpital de fortune de chaque camp d'armée. Sinon, on ne peut pas soigner les blessures, etc. Donc, les Romains, leur priorité, c'était toujours la construction de fortifications quand ils se déplaçaient, mais également les façons d'apporter l'eau le plus rapidement possible. Les tuyaux qui rentraient dans la terre, bien souvent la façon de les orienter et de les déplacer dans le sol, c'était de les installer dans du gravier autour. Un peu comme on va le faire aujourd'hui là, pour les drains, là, les drains français. Puis avec ça, bien, ils pouvaient faire bouger le tuyau un petit peu de gauche à droite, de haut en bas, pour s'assurer que l'eau elle s'écoulait bien à travers. Puis ça, c'était pour alimenter aussi dans les villes les sanitaires publics, comme pour l'armée, les latrines, les toilettes. Puis parce que les Romains, eux autres, il y avait des toilettes publiques où est-ce qu'ils pouvaient aller se laver, mais ils pouvaient aller aussi déféquer là-bas. Ce qui faisait que ça gardait une certaine propreté dans la ville, empêchant les épidémies de se développer, comme on a vu par la suite en Europe avec le typhus. On a vu ça aussi avec la peste noire, qui était transférée essentiellement par les vermines qui se promenaient, qui mangeaient les déchets ou qui se promenaient dans les égouts à ciel ouvert. Sûrement que les Romains avaient eu l'expérience de voir des gens là, contaminés par les déchets là, publics. Finalement, ils ont décidé de donner la priorité à l'évacuation des eaux usées et puis à l'apport d'eau constant pour permettre là, finalement de satisfaire les besoins de toute la population, autant les pauvres que les riches. Le summum de tout ça, c'était des bains carrés publics, ce qu'on peut plus communément appeler aujourd'hui des piscines publiques. Ou est-ce que là, il reste encore un magnifique site en Grande-Bretagne qui s'appelle Aqua Sulis? Ou est-ce que là, ce sont des sources d'eau qui sont chauffées et puis sont apportées directement à cette piscine-là? C'est de l'eau de source, et puis mais à cette époque-là également, ils étaient capables de faire chauffer de l'eau pour des bains publics si ça leur tentait, avec des fournaises qui étaient cachées dans la terre, qui permettaient de chauffer avec des citernes, et puis d'envoyer ça par la suite vers le bain, là. Mais ça, c'était plus pour les maisons privées, où est-ce que les riches, eux autres, souvent, ils voulaient avoir un bain chaud, là. Et non pas comme dans les westerns, où est-ce qu'ils mettaient de l'eau chaude dans une baignoire, là. Les Romains, eux autres, c'est sûr, il y avait des employés qui pouvaient aller chauffer à l'intérieur du sous-sol l'eau qui permettait aux habitants plus fortunés d'aller se laver là, de façon confortable. Puis, mais c'est ça. Ou sinon, ce que ça permettait, c'est d'avoir également des planchers chauffés. Si on compare avec les barbares, qu'on va voir par la suite, que les Romains ont affronté, les barbares germaniques, ben eux autres, ils vivaient directement sur la terre. Puis il n'y avait pas de plancher chauffant comme chez les Romains. Donc c'est pour ça que les Romains, eux autres, ils faisaient un plancher là, au sol qui était dur, qu'ils ne vivaient pas à même le sable, à même la glaise. Puis ce plancher-là également pouvait être chauffé avec le même système que j'expliquais là, pour les bains. Là. Mais c'est ça, avec quelques variantes. Mais c'est pas le plancher qu'on connaît aujourd'hui chauffant avec des éléments. Sauf qu'à partir du sol, il était capable de chauffer tout le plancher, puis aussi par le biais de la pièce. L'air dans l'atmosphère de la pièce qui se retrouvait chauffé par radiation du plancher. À cette époque-là, les maisons chauffées étaient très rares. Il y avait des systèmes comme ça pour apporter l'eau aux maisons dans la ville de Carthage, qui était essentiellement l'ennemi juré des Romains. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont pris leur cité. Car c'était leur compétitionneur direct dans la mer Méditerranée. Au niveau de l'énergie solaire, une autre façon de chauffer les maisons à l'intérieur, c'était avec des vitrages, un peu comme à notre époque. Les Romains étaient capables de fabriquer des vitres. Puis ça, quand ils installaient des vitrines dans leur maison face au sud du bâtiment, bien, quand le soleil chauffait toute la journée, bien, les rayons rentraient à l'intérieur, chauffaient la pièce. Puis après ça, ben en soirée, ben l'air restait chaud à l'intérieur de la maison. Ça, aujourd'hui, on va appeler ça les chauffages passifs. On a retrouvé ainsi plusieurs vitres dans les vestiges des Romains, où est-ce que les vitrines étaient encore restées intactes des millénaires plus tard. C'est là qu'on a déduit que les Romains utilisaient les fenêtres autant pour l'apparat que pour le chauffage interne des maisons. Une autre utilisation du soleil, c'était avec les fameuses armes solaires, comme l'avait fait par la suite aussi Archimède, pour protéger sa ville de Syracuse. Ou est-ce que là, le truc, c'était de polir au maximum un bouclier, puis ou des miroirs, puis de rediriger le soleil vers les voiles des bateaux, ou vers d'autres systèmes pour chauffer de l'eau, là. Ça, on n'a pas trouvé tant de vestiges, mais en fait, c'est présupposé par les historiens que les Romains étaient capables de faire chauffer des objets ou de mettre le feu à distance. Puis il y a des historiens qui ont refait l'expérience, qui ont essayé avec le soleil des différents boucliers, mettons une dizaine de boucliers, à concentrer le soleil vers un objet précis, puis par exemple un bateau, puis les voiles ont pris en feu. Donc à distance, les Romains étaient capables de concentrer des rayons pour que la chaleur augmente, puis finalement créer les effets désirés, que ce soit pour faire bouillir de l'eau ou que ce soit pour mettre le feu à des bateaux ennemis. Au niveau des armes standards, celle que les Romains préféraient, c'était la catapulte, qui pouvait faire de 6 à 9 mètres de haut, qui fonctionnait encore avec le principe des roues, des cordages, où est-ce que là, une personne marchait dans une roue, puis ça permettait de crinquer le mécanisme pour faire descendre la catapulte. Puis là, une fois que tout ça s'était bien crinqué, les Romains, ils mettaient soit des gros blocs de pierre, ils pouvaient mettre des carcasses d'animaux qui étaient toutes en putréfaction, qui étaient pour contaminer les villes dans lesquelles on envoyait les animaux. Ils pouvaient envoyer aussi des roches, des boulets en feu qui mettaient le feu aux cités dont ils prenaient le siège. Et puis ça, ces catapultes-là pouvaient être montées sur place et non pas transportées sur les champs de combat. L'armée romaine était capable de construire très rapidement des catapultes avec des arbres là, qu'ils trouvaient à proximité. Puis pour les cordages, ils prenaient soit de la corde de chanvre ou des cheveux de femme ou du crin de cheval. Puis avec ça, en faisant des espèces de tresses, ils torsadaient ça ensemble. Bien ça, il y avait une certaine flexibilité comme un élastique. Fait que ça pouvait être tendu, ça pouvait être tourné. Puis plus que c'était tourné, bien plus que ça accumulait de la force. Puis là, quand on lâchait le boulet au bout, à l'extrémité de la catapulte, bien là, ça pouvait partir jusqu'à des centaines de mètres là, en avant. Au niveau des bateaux militaires, des bateaux marchands et de transport, les Romains, eux autres, il a fallu à un moment donné qu'ils copient les bateaux des Carthaginois, qui étaient plus fonctionnels, qui allaient plus vite dans la Méditerranée pour faire la guerre, etc. Donc, une fois qu'ils ont pris possession de leur bateau après un conflit, ben ils ont tout calqué ça, ils ont copié ça, ce qui leur a permis par la suite de rebattre l'Empire carthaginois et puis de naviguer partout, de prendre tout le commerce, le contrôle du commerce en Méditerranée. Puis là, pour s'orienter à distance, les Romains utilisaient le fameux fort d'Alexandrie qui avait été fabriqué avec du granit rose, qui produisait de la lumière à distance pour orienter les bateaux afin d'éviter qu'ils fassent des naufrages, qu'ils se perdent dans la nuit. On avait créé un système d'alimentation lumineuse qui fonctionnait par des feux continuellement allumés de nuit. Puis les feux, eux autres, même s'il n'y avait pas beaucoup de bois en Égypte, on apportait des combustibles sur place. Puis là, le feu qui était fait probablement en bas ou en haut de la tour, là, bien, il était réfléchi avec des miroirs, avec des lentilles pour essayer de concentrer la lumière vers un point précis en haut. Puis que ce point-là, lui, était visible d'une bonne distance de la Méditerranée. Là, on parle jusqu'à 50 km de distance. Ça, c'est comprenant le fait que la Terre est ronde. Donc, habituellement, à partir de 30 km et plus, ça commence à être difficile de voir un point, là. Parce que la Terre, elle tourne, donc tu peux pas voir complètement au bout. Il y avait supposément à la tour, au fort d'Alexandrie, un système sonore également qui agissait comme une alarme. Où est-ce que là, on chauffait un petit contenant, une espèce de chaudière, puis que quand les vapeurs devenaient très fortes, bien là, il y avait une trompette au bout où ce qu'on pouvait ouvrir la valve pour créer un son puissant qui pouvait être entendu là, partout autour du fort d'Alexandrie. Ce fort-là était une des plus grandes merveilles du monde de l'Antiquité. Il aurait resté jusqu'en 1300 après Jésus-Christ. Donc, il a été effectif, il a fonctionné pendant 1600 ans. Sauf qu'après un tremblement de terre en Égypte, dans la ville d'Alexandrie, ben le fort finalement a tombé là, partiellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait quand même où est-ce que la base allait, où est-ce que les vestiges principaux sont restés. Même s'il y a une partie de la ville qui a été enfouie, car avant ça, la ville d'Alexandrie était beaucoup plus étendue. Puis aujourd'hui, ben il y a plusieurs centaines de mètres qui sont dans l'eau. Il y a des explorateurs, il y a des archéologues qui vont chercher des poutres, qui vont chercher des colonnes, qui vont chercher des statues. À toutes les années, tout ça s'est répertorié. L'ancien port de la ville d'Alexandrie est également enfoui à côté, là. Donc c'est pour ça que le fort d'Alexandrie, lui aussi, il a été partiellement là, absorbé par la montée des eaux. Les Romains, ce qu'ils installaient par contre, eux autres en haut des montagnes, c'était des tours, des temples, avec des espèces de paratonnerres qui permettaient d'attirer la foudre. Donc ça, c'était dans les cérémonies pour montrer l'adoration vers leurs dieux, parce que les autres, ils étaient polythéistes. Puis la tige était faite un peu selon le même principe que Benjamin Franklin a créé son paratonnerre 1700 années plus tard. Puis ça, ben, en fait, ça lui montrait comment qu'il pouvait dominer la foudre en l'attirant comme ça au sommet des montagnes. Un autre phénomène aussi qu'il avait compris par rapport à l'électricité, pas celle des éclairs, mais celle de l'électricité statique. Il s'est aperçu qu'en frottant deux surfaces ensemble, par exemple une plume avec une pierre ambrée, ben ça faisait en sorte que quand on rapprochait la plume avec l'ambre, ben la plume était attirée sur l'ambre. Donc il avait compris qu'il y avait un phénomène électrostatique entre les deux. C'est sûr, il ne pouvait pas complètement décrire les forces à l'époque, sauf qu'il avait vu qu'il y avait une certaine force là, qui était à l'œuvre. Puis ça fait 3500 ans. Donc ça fait quand même assez longtemps. Mais les Romains, ils faisaient des études scientifiques, entre guillemets, là, pour l'époque. Il y avait des études très, très poussées sur tous les phénomènes qu'ils trouvaient. Ensuite, ils écrivaient ça dans des livres, puis ils essayaient de se monter une connaissance tranquillement, pas vite, pour construire une civilisation de plus en plus grande, de plus en plus puissante. Donc, les archéologues ont également retrouvé des vestiges que les Romains auraient récupéré la fameuse pile de Bagdad. Ça, c'était vers 250 avant Jésus-Christ. Puis la pile de Bagdad, elle, on ne sait pas exactement à quoi qu'ils s'en servaient en Irak, sauf que les Romains, eux autres, ils s'en servaient pour dorer les métaux. Donc, dans le fond, en utilisant une pile, la façon de construire la pile, c'était dans une jarre. On installait, mais les Romains, eux autres, ils avaient une technique particulière, là. Bon, ils installaient un tube de cuivre qui avait une forme de cylindre. Puis, on prenait de l'autre côté une tige en fer. Où est-ce que ça, c'était connecté là, à l'extérieur de la batterie? Puis, à l'intérieur, on plaçait un liquide qui pouvait permettre l'échange d'électricité, des ions, avec, par exemple, du vinaigre. Puis, les ions circulaient à l'intérieur. Puis là, on connectait, comme je vous expliquais, avec un fil à l'extérieur. Puis ça permettait de produire des batteries qui donnaient approximativement 1 volt d'énergie. Puis avec ça, les Romains, eux autres, ils pouvaient dorer des métaux en utilisant une solution riche en atomes d'or. Puis là, ils mettaient ce liquide-là avec des atomes d'or pour que, comme liquide baignant, là, ensuite, ils rajoutaient un objet d'un métal moins dispendieux comme l'argent. Ça, ce que ça permettait, c'est que l'argent, lui, en étant soumis à de l'électricité à l'intérieur de la solution vinaigrée, ben les atomes d'or, eux autres, tranquillement, pas vite, vu que l'argent, lui, il était groundé, il était plugué sur le courant électrique, mais ça lui permettait, lui, d'attirer les microparticules d'or pour qu'elle se colle à la surface et puis que ça crée une espèce de plaquage de type artisanal. Ainsi, probablement, il y en a certains qui ont sûrement fait des fausses pièces d'or qui étaient des pièces d'argent, puis qui ont créé des différents objets en or pour ensuite leur vendre sur le marché. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que probablement que ça servait uniquement à dorer des objets pour l'apparence. Ça évitait de construire des objets complètement en or, ce qui coûtait beaucoup plus cher. Parce qu'en Europe, eux autres, il n'y en avait pas tant que ça de l'or. Là. C'est pas comme les civilisations Maya, Inca, Aztec, ou est-ce qu'eux autres, en Amérique du Sud, de l'or, il y en avait beaucoup. Puis eux autres, on va le voir prochainement dans une autre conférence, qui s'en servait pas comme monnaie, mais plutôt comme objet d'adoration, objet sacré. Les piles romaines, les piles de Bagdad, ça pouvait se connecter en série. ce qui donnait plus de puissance au bout, là. Un peu comme les systèmes actuels quand on connecte des batteries en série ou en parallèle, etc. Ben, à cette époque-là, ils avaient fait des expériences qui leur permettaient de voir qu'ils pouvaient produire une plus grande capacité de voltage en additionnant les batteries ensemble, même si c'était des batteries quand même assez primaires. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par la suite en Europe, ils ont fait d'autres inventions, mais aujourd'hui, on sait que juste avec un citron, ben, on peut réussir à faire allumer une petite ampoule. À l'époque, ils avaient réalisé à peu près les mêmes principes de base de la physique, de l'électrostatique, de l'électricité en général. Ainsi, dans différentes cités romaines, comme la cité de Mycène, bien, on retrouvait de nombreux trésors, des bijoux en Baltique, de l'or, des sculptures, des pièces d'argent, des pièces d'or. Ainsi, au niveau de leur armée, les Romains, bien, eux autres, ils avaient calqué un peu l'armée de Grèce, où est-ce qu'eux autres utilisaient des grandes tiges qui venaient des herses qu'on appelait des lances très longues qui permettaient d'attaquer les ennemis à distance. Puis ainsi, les soldats, eux autres, ben, ça évitait aussi qu'ils se fassent rentrer dedans directement, comme dans les anciennes batailles. Si on prend l'exemple des Germains, tu sais, qui attaquaient uniquement avec des épées, des boucliers, ben là, eux autres, les Romains, avec leurs manœuvres dans les champs découverts, leur formation précise de soldats, avec leurs boucliers, leurs herses, eh bien, à ce moment-là, ça leur permettait de gagner un certain avantage stratégique et puis de ne pas avoir de pertes inutiles dans les premiers instants du combat. C'était très difficile de battre les regroupements de Romains avec leurs boucliers, là. Ils étaient entraînés, ça faisait des années qu'ils pratiquaient leurs mouvements. Donc, rapidement, ils pouvaient se placer en formation. Que ce soit pour faire la tortue, que ce soit dans un regroupement carré, rond, triangulaire, peu importe, tout était possible. Même, ils étaient capables de se tasser de gauche à droite pour laisser rentrer les chariots, s'il y avait de quoi, puis ensuite se fondre sur l'ennemi, comme l'avaient fait auparavant les Grecs. Sauf qu'eux autres, les Romains, ben, ils étaient mieux organisés, ils avaient plus de techniques. Chaque plat était préparé à l'avance pour tous les soldats. Chaque ration était distribuée la journée même, où chaque soldat avait son petit sac là avec lui. Les armements étaient très bien calculés. Les durées que ça prenait pour se rendre d'un endroit à l'autre. On est vraiment avec l'ébauche des premières armées modernes, où ce que tout est planifié à l'avance, qu'il faut avoir le moins de surprises possible. Bien, les Romains, eux autres, ils avaient compris ça. Au niveau de leurs troupes, ben c'est ça, les autres, ils ont voulu tout uniformiser la tenue des troupes. Parce qu'auparavant, quand les différentes peuplades se battaient, ben il n'y avait pas les mêmes vêtements. Donc, eux autres se sont dit, on va faire une armée qui est similaire partout, qui va avoir tous les mêmes casques, les mêmes boucliers, le scotum, les soldats avaient des cottes de maille ou des plaques de fer pour se protéger des coups des ennemis, ou est-ce que tout le monde avait à peu près les mêmes javelots, ou sinon des glaives, puis ils marchaient sur ce qu'on pourrait comparer aujourd'hui avec des sandales, avec des lanières de cuivre là, autour pour bien les tenir après la cheville. Dans les groupes, on parlait d'une unité qui s'appelait la centurie, qui comprenait 100 hommes, qui fonctionnait par groupe de deux. Donc, quand ils avançaient et qu'ils étaient dans un combat, ben les deux se protégeaient l'un l'autre, ce qui évitait que tout le monde parte un peu à gauche, à droite et qu'ils se battent juste pour lui-même, là. Il y avait une autre unité qui s'appelait la cohorte, qui était x3 centuries. La façon d'utiliser la cohorte, c'est qu'elle était séparée en trois centuries, comme j'expliquais. Donc, la première rangée en avant, ben, eux autres, c'était des légionnaires qui étaient moins expérimentés. Ils envoyaient les moins bons en avant. Qu'eux autres allaient ouvrir le terrain, si on veut, ils allaient se pratiquer en avant. Mais ils allaient aussi se faire tuer, évidemment, là. Donc, par la suite, dans la deuxième section de la cohorte, ben là, c'est ceux qui étaient un petit peu plus expérimentés pour venir backer la première section, souvent qui était un petit peu moins bonne au combat. Puis la troisième rangée, le troisième regroupement de 100 personnes, ben là, c'était les soldats plus seniors, plus expérimentés, qui, si les deux armées d'en avant avaient mal performé, ben les autres pouvaient venir pour finaliser la job. Sinon, ben les autres, ils pouvaient se sauver, là, parce que l'armée romaine, les autres, ils se laissaient pas capturer au complet. Ils s'arrangeaient tout le temps pour avoir des positions pour reculer face à l'ennemi s'ils voyaient qu'ils tombaient en situation de faiblesse. Puis, dans le fond, 10 cohortes de 600 hommes, ben on appelait ça une légion, ce qui donnait un total de 6000 hommes. Puis eux autres, dans le fond, les légions, leur rôle, c'était de rester de face aux autres armées, puis tranquillement, pas vite, d'avancer, soit de front, comme je disais, ou pour attaquer les flancs de l'armée adverse. Parce que c'est sûr que quand deux grandes armées s'affrontaient de face, ben là, les rangées en avant, eux autres, ben, ils étaient très endommagés. Donc, il fallait qu'ils puissent attaquer de côté, de gauche à droite, pour essayer de disloquer l'armée adverse. Mais, c'est sûr qu'avec les grands javelots, les grandes herses, les perches de plusieurs mètres de longueur, ben ça leur donnait un avantage là, qu'ils pouvaient piquer les autres. Puis si l'armée adverse s'approchait, ben les Romains, eux autres, il y avait des glaives, des épées courtes qui leur permettaient de tasser leurs boucliers puis de automatiquement poignarder les adversaires. Donc, ils se battaient pas comme les Germains avec des grandes épées là, de façon vaillante à attaquer, là, à s'approcher de l'ennemi. Les autres, ils faisaient toutes des attaques à distance. Puis ça, c'est sans parler des arcs, des flèches qui pouvaient aussi être envoyés à l'avance. Même si c'était pas les armes de prédilection, les Romains, eux autres, il y avait des arcs, il y avait des arbalètes aussi automatisées. Toutes des armes qu'on va voir par la suite là, dans les différentes conférences. Là. Puis, ils faisaient aussi beaucoup l'utilisation des cavaleries, pareil comme les Grecs, où est-ce que les cavaleries, eux autres, ben, c'est l'équivalent des tanks modernes, que quand la cavalerie fonçait, ben là, s'ils étaient bien entraînés, les autres, ils écrasaient tous les soldats en avant. Ce qui leur donnait la possibilité de contourner complètement une armée par derrière pour écraser l'armée, faire la manœuvre de l'enclume, comme affectionnait particulièrement Alexandre le Grand. Ainsi, la cavalerie, elle était tellement rapide qu'elle pouvait venir attaquer par en arrière, mais aussi se déplacer très rapidement là, selon le conflit, là, comment qu'il évoluait. Tandis que les autres, les légions romaines, ben les groupes de soldats, t'sais, avançaient à pas d'hommes, donc ils ne pouvaient pas se déplacer très rapidement. Là, s'il y avait une brèche qui s'ouvrait ou s'il y avait une armée qui s'enfuyait, ben la cavalerie pouvait également attaquer par derrière afin de nettoyer les dernières personnes qui restaient, là, parce qu'ils étaient vulnérables. Les autres, ils se sauvaient, donc ils pouvaient les attaquer de dos. Au niveau de l'expansion de leur territoire et de leur population, sur une population de 45 millions de personnes, il y avait seulement 4,5 millions de gens qui étaient considérés comme des vrais citoyens romains puis qui avaient le droit de vote. Pour avoir le droit de vote, la plupart des gens, ben eux autres, il fallait qu'ils soient dans l'armée romaine pendant 25 ans, ce qui leur donnait le statut de citoyen, le droit de vote et puis toutes les permissions et avantages qu'il y allait avec. Au plus grand de l'Empire romain, ça s'étendait, dans le fond, sur les territoires suivants, qui sont la Bretagne, avec la ville de Lindum et Londinium. Ensuite, au Portugal, sur la Lusitanie, avec la ville de Toletum, Emerita Augusta, et puis en Bétique, qui est un autre territoire à côté, sur la péninsule ibérique. Après ça, la Tarraconaise. Ensuite, sur le terrain des Gaulois, en France, il y avait le territoire lyonnaise, l'Aquitaine, la Narbonnaise, avec les villes de Massalia, la ville de Lugdunum, la ville de Durocortorum, Puis on va voir tantôt aussi avec les batailles qu'il y a eu avec les Germains. Parce que les Romains, eux autres, ils ont bloqué en Germanie. Parce que la Germanie, c'était des grandes forêts. Tandis que l'armée romaine, eux autres, ils n'étaient pas habitués de se battre dans des forêts. Ils se battaient à terrain découvert. Ce qui les a empêchés de se déployer sur ce territoire-là. Bon, ici, on avait la ville d'Agrippina. La ville d'Augusta Trevorerum, la ville de Mungontiacum, dans la Germanie supérieure, la Rétie, la Nordique, la Virunum, la Vindobona. Puis là, on s'en va vers l'Italie, où est-ce qu'il avait fondé la ville de Rome. En Italie du Nord, il y avait Ravenne. Il y avait Mediolanum. À côté, en Corse, il y avait la ville Aleria. Puis en Sardaigne, la ville de Caralès. En Sicile, il y avait la ville de Messena, de Syracuse, qui a été pris par la suite par les Romains. À côté, il y avait le peuple des Thraces, avec la ville de Philippopolis. En Macédoine, avec Thessalonique. En Épire, à Déphèse. Il y avait la Dalmatie, la Pannonie supérieure, la Messie supérieure, la Dacie, la Pannonie inférieure. Tout ça convergeait à l'ouest de la mer Noire, où est-ce qu'il a été fondé également par la suite l'Empire de Byzance. À l'extrême sud-est de la mer Noire, il y a la ville de Trapezus. En Asie, au début de l'Asie, on s'entend, là, il y avait la ville de Éphèse, de Milet. Ces deux villes-là étaient dans le territoire de la... à côté du territoire de la Bithynie et Pont. À côté du territoire de la Galatie, de la Lycie, de la Cappadoce, où est-ce que la ville centrale est Samosate. En Galatie, il y avait l'Ancyre, qui est une ville importante. Ensuite, il y avait le territoire de la Cilicie, qui est juste au nord de l'île de Chypre. Après ça, les Romains avaient également pris l'est de la Méditerranée, en Syrie, en Judée, en Arabie. En Syrie, il y avait la ville d'Antioche, de Damas. Ça, c'est les Romains qui ont fondé ça. En Judée, il y avait la ville... d'à côté de Damas, il y avait Tyr. En Judée, il y avait Bosra. Il y a eu également Jérusalem. En Arabie, il y avait la ville de Petra. En Égypte, à côté, dans le sud-est de la Méditerranée, il y avait la ville d'Alexandrie, de Memphis, que les Romains ont construit, là, en tout cas. Ou sinon, si la ville existait déjà, ils l'ont améliorée, ils ont tout apporté les technologies romaines, comme je l'expliquais précédemment, les aqueducs, etc. Ils ont mis la ville up-to-date, comme on dit, là, en informatique. Ensuite, à l'ouest de l'Égypte, il y avait le territoire de Cyrène et Crète, avec la ville de Ptolémaïs. Ensuite, encore en Afrique du Nord, dans le Maghreb, les Romains ont aidé à fonder la ville de Sabrata, Leptis Magna, la ville de Douga, la ville de Carthage, qui ont, comme je l'ai mentionné précédemment, ils l'ont brûlée, mais par la suite, ils ont aidé aussi à ce que la ville ait les technologies romaines. T'sais, en fait, ils se sont débarrassés du peuple, mais après ça, ils ont repris l'infrastructure pour que ça soit un lieu de commerce. Les Romains, avec ça, voulaient le contrôle total de la Méditerranée dans le but de ne pas rencontrer d'autres empires importants qui auraient pu les supplanter à une époque ou une autre. Une fois que les Romains auraient été en situation de faiblesse, ils auraient pu se faire attaquer. Ainsi, Carthage, ça a été une des priorités là, de l'armée romaine. Ensuite, ils ont conquéri également le territoire de la Maurétanie césarienne, la Maurétanie Tingitan avec la ville de Tingis. Eux autres, les Romains, ils ont pas pu se développer comme j'expliquais à l'est à cause des Germains. Les Germains, eux autres, ils étaient situés essentiellement dans des petits villages, un peu comme les Gaulois, où est-ce que, tu sais, ils fondaient pas de villes immenses comme les Romains, là, que ça prenait beaucoup d'infrastructures puis beaucoup de technologies pour réussir à tout alimenter, là, les habitants, que ce soit en eau, en nourriture, en vêtements, etc. Ainsi, les Romains, eux autres, il fallait qu'ils prennent petit village par petit village. Mais les Germains, eux autres, ils étaient cachés dans la forêt noire, le Schwarzwald, comme on dit en allemand. Donc, il fallait qu'ils progressent tranquillement, pas vite. Sauf que les Germains, eux autres, ils étaient capables de se rassembler en différentes troupes. Puis, lorsque les chefs germains s'associaient, se regroupaient et se donnaient le signal, mais là, ils étaient capables d'encercler les armées romaines, se rassembler à certains endroits précis où est-ce qu'on savait que les Romains étaient après progressés, voulaient prendre une partie du territoire. Ce qui a fait en sorte que les Romains n'ont pas pu prendre complètement la Germanie. Ils ont été obligés de faire plutôt des traités avec les Germains afin que eux autres gardent le territoire, mais qu'ils surveillent quand même la frontière avec la Rome. Parce que la Rome, eux autres là, s'était rendue une bonne partie de l'Europe. Donc, avec leur frontière française, ben les Germains, eux autres, de leur côté, à l'est, protégeaient leur territoire. Puis, ils ont fait une barricade où est-ce qu'il y avait des belvédères et des tours de garde permettant de voir s'il y a des gens qui voulaient traverser la frontière. Puis, les Romains, eux autres, ils avaient fait des ententes avec les chefs des tribus germaniques sur chaque parcelle de territoire qui était dans le coin de la frontière, là, des tours de garde, là, qui surveillaient pour l'armée romaine. Sauf que quand même, l'Empire romain n'a pas triomphé. Et puis par la suite, les Germains, eux autres, se sont assemblés pour envahir Rome, puis détruire finalement de l'intérieur la civilisation romaine. Un peu comme aujourd'hui l'immigration pourrait le faire. Les Romains, eux autres, ils étaient forts quand c'était juste des Romains. À partir du moment où ce que les Huns, les Goths, les Visigoths, les différentes tribus germaniques se sont implantés dans leur système, ben ça l'a comme vidé de son essence ce qui était l'Empire romain, puis l'Empire romain est tombé. Les barbares migrants qui ont été en Rome ont également aussi pillé tous les trésors là, qu'il y avait là. Donc, on va le voir là, plus tard, là. Mais on appelle ça aussi l'échec des Romains en Germanie, la grande débâcle en Germanie. Puis ça s'est matérialisé sous le général Varus, qui lui, dans le fond, était quand même détesté parce qu'il tenait pas compte des mœurs en place des Germains. Puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a eu des révoltes. Les peuples n'écoutaient pas ses recommandations. Puis Varus, à cette époque-là, les Romains, quand ils capturaient des villages, parfois ils prenaient les rejetons des chefs germains pour les envoyer se faire éduquer et civiliser, si on veut, à Rome. Sinon, ils trouvaient qu'eux autres, ils étaient trop comme des barbares, là. Ils vivaient dans des huttes, ils vivaient habillés avec des peaux de bête. Donc, pour les Romains de l'époque, ben c'était des peuples à civiliser. Pour envahir la Germanie, les Romains avaient construit des bateaux à fond plat. Puis ils étaient capables d'aller dans seulement 40 cm d'eau. Sauf que ils étaient capables d'apporter des victuailles pour un poids de 53 tonnes par bateau. Ce qui ressemble un peu à ce que faisaient les Chinois pour naviguer dans les fleuves intérieurs de la Chine. C'était pas des bateaux qui allaient très profondément dans l'eau, comme les besoins étaient dans l'océan. Ainsi, ils ont pu apporter leur armée en Germanie, en tout cas au pourtour de la Germanie. Leur bateau qu'ils dénommaient les Chalands, ils en ont apporté sous l'armée de Varus une centaine de bateaux. Puis à l'intérieur des bateaux, ben là, il y avait les victuailles, comme du vin, des olives, des denrées alimentaires qui étaient stockées afin d'alimenter les Romains qui se dirigeaient vers les champs de bataille. Ça comprenait les forgerons, les collecteurs d'impôts, les marchands, les soldats, etc. Car une fois que les Romains arrivaient à quelque part, ben ils collectaient des impôts aux différentes villes colonisées. Afin de ne pas avoir de surprise, les Romains envoyaient en reconnaissance des alliés germains avec lesquels il y avait eu des ententes, puis les envoyaient sur le territoire comme éclaireurs afin d'être certain qu'il n'y ait pas de rassemblement de troupes trop important, ce qui aurait fait que cette armée-là de Germains aurait pu fondre sur l'armée romaine puis décimer leurs troupes. Donc il y avait toujours des reconnaissances là. Une fois qu'ils arrivaient au sol par bateau avec leurs chalands, ben eux autres automatiquement ils construisaient une forteresse. Puis l'armée romaine, eux autres, en quelques heures, quelques jours à peine, ils étaient capables d'aller chercher des arbres, débiter les arbres, couper ça comme il faut avec les scies en fer, puis mettre les pointes aiguisées, planter ça dans la terre, puis faire une grosse barricade autour de leur armée, faire un campement. Ce qui évitait de se faire attaquer de nuit par les hordes de barbares ou que ce soit par d'autres armées là, sur quelconque territoire, la construction d'une forteresse, c'était vraiment la priorité. Ensuite, quand l'armée romaine avait à sortir pour envahir la Germanie, mais sous les troupes de Varius, il y avait une armée de 22 000 personnes qui s'étalait sur une longueur de 15 km. Et puis, cette colonne de soldats-là s'était distribuée de 4 soldats de large qui avançaient comme ça sur 15 km. Puis, étaient capables de marcher une distance d'environ 20 km par jour, avec tout l'équipement là, qu'on connaît là, des soldats romains, qui était quand même assez lourd pareil. Si ils rencontraient des peuples, puis que ces peuples-là voulaient pas se soumettre finalement à l'armée romaine, mais soit qu'ils étaient soumis par l'épée ou par le droit romain. Car eux autres, dans le fond, les Romains, c'était pas seulement que de battre des armées une après l'autre. C'était aussi de leur imposer la loi romaine, de leur imposer l'impôt romain. Tout cet argent-là qui était récolté était envoyé par la suite à Rome, ce qui était l'endroit centralisé pour calculer, compter tout ce que l'armée romaine avait, tout ce que l'Empire romain avait ramassé avec ses armées. Ainsi, il tombait sous juridiction romaine. Peu importe l'Empire, il devait se conformer aux lois romaines, aux technologies, puis etc., tout ce qu'on a vu. Même s'il y avait des petits foyers de résistance à gauche, à droite, dans certaines villes, il fallait qu'ils obtempèrent. Sinon, ben l'armée romaine continuait sa marche en parallèle. Sauf qu'en même temps, ça faisait un siège d'une ville. Après, plus que ça prenait de temps, plus que l'armée romaine était très sauvage avec ceux qui avaient résisté pendant des semaines, des mois, là, parfois. Là, qu'un siège, ça pouvait durer. Là. Les autres, ils assiégeaient la petite ville, la tribu, quoi que ce soit, s'ils étaient barricadés. Comme on voit dans Astérix et Obélix, les Romains, eux autres, ils encerclaient la ville avec leurs catapultes. Ben là, ils envoyaient que ce soit des pierres ou des boules de feu ou des animaux infectés pour que la ville se rende le plus rapidement possible. Mais là, on parle plus de villages germains, mais quand même, il y en a certains qui ont résisté, comme on voit, là. Astérix, eux autres, là, ils réussissent à protéger leur forteresse des Romains, parce qu'il n'y a pratiquement rien qui résistait aux Romains, même quand ils ont envahi les pays à l'est de la Méditerranée, là, en Judée, etc. Très peu de peuples étaient capables de résister quelques mois, là. Et puis sinon, ben c'est ça, une fois que l'armée romaine prenait la ville, ben là, ils tuaient tout le monde. Ou sinon, ils les mettaient en esclavage. Puis en encerclant la ville, ce qu'ils faisaient un peu comme aujourd'hui quand les armées font des sièges, ben ils essayaient de bloquer tous les approvisionnements qui auraient pu être apportés par l'extérieur, comme par exemple l'eau, les armes, la nourriture, le blé, etc., les vêtements. Les Romains, eux autres, bloquaient tout ça. Mais les armées de Varus, dans leur grande marche, ils ont essayé de convertir les Germains en ordonnant des mesures comme de réprimer les soulèvements populaires, de punir les insurgés, et puis finalement de mettre le feu au village. Sauf que ça, ça n'a pas plu à Arminius, qui lui, même s'il avait été élevé chez les Romains, a voulu refusionner tous les peuples germains, puis essayer de les réunir contre les Romains. Ça, c'est vers l'an 9 après Jésus-Christ. Ainsi, Arminius aurait fait ça pour acquérir un certain prestige. Alors, quand les Romains sont retournés après avoir imposé leur domination, avoir mis le feu partout, avoir essayé d'imposer aux peuples germaniques leurs lois, quand ils se sont en revenus avec leurs colonnes de soldats qui étaient très vulnérables, ben là, les troupes d'Arminius ont fondu sur les Romains dans les forêts Schwarzwald, car c'est ça, c'était facile pour eux autres d'attaquer le début de la colonne de soldats et puis la fin de la colonne de soldats. Puis comme il y avait juste 4 soldats de largeur, ben il n'y avait pas une grosse capacité de résistance. C'était pas comme dans les champs ouverts où est-ce que là, il pouvait avoir des légions complètes qui attaquent d'un coup, là. Dans les forêts denses allemandes, ça l'empêchait les mouvements de troupes rapides et puis les capacités de fuite par l'arrière, ce qui est impossible. Et ça, même s'il y avait eu une tentative de soumission des tribus germaniques, à la jonction du Danube, il y a eu une résurgence. Et ça, de peuples qui, en général, contenaient seulement des tribus avec 25 maisons là, par petite forteresse. Une fois qu'ils se sont rassemblés par milliers, ben, ils ont réussi à causer des dommages impressionnants à l'armée romaine. Eux autres, dans le Schwarzwald, c'était des forêts, des marécages, qui étaient très craints des voyageurs qui avaient peur de se perdre là-bas, dans les forêts d'hêtre et de chêne. Mais à cet endroit-là, même si c'était très marécageux, etc., que c'était difficile d'accès, les Romains ont réussi à fonder la ville de Xanten, de Köln, Cologne, de Goblenz, du Mainz, d'Augsbourg, toutes des villes qui existent encore aujourd'hui. Et ils essayaient d'avancer dans la Germanie pour convertir les peuples Friesen, les Schauken, les Langobarden, les Remonen, les Ermunduren, les Schänen, les Bruckterer. Les Germains habitaient dans des villages de 25 maisons longues en moyenne. Puis là, à un moment donné, à cause des troupes, vers l'an 400, les troupes d'Attila le Hun, ben les Hérules, les Goths, les Huns, ces peuples germaniques-là, il a fallu qu'ils convergent vers l'ouest, puis ils ont débordé vers l'Empire romain. Et à cette époque-là, ben malheureusement, c'était un empereur qui avait 12 ans, qui s'appelait Romulus Augustule. Vu son âge, il n'était pas très puissant. Donc, les barbares en ont profité pour envahir la ville de Rome. Et puis, ils ont réclamé 12 tonnes d'or, 13 tonnes d'argent, 4000 tuniques en soie, 3000 toiles. Thank you.